bière au marge. Quand j'ai cherché, oublié, et même des fois tourné la page. Oui, moi c'est un ou qu'à penser, qu'entre nous ça péqué mâché. En TV, juste nous essayer, encore une fois. Chercher ça qui pas calé. Oui, moi j'avoue, on veut échapper. Laissez-moi tout seul qu'à crier. Et qu'on l'ennuie sans la ligne. Mon chemin qui à moitié fine. On peut pas même imaginer qu'est ou pas là. Qu'est ou pas là. Qu'est ou pas là. Fine, on peut pas même imaginer qu'est ou pas.